بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني إن شاء الله في معنى التوحيد وأقسام التوحيد. C'est notre deuxième assise autour du monothéisme, de la définition et la signification du monothéisme et les parties du monothéisme. فمر معنا البارحة توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وإفراد الألوهية وتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله مع توحيد الأسماء والصفات. Et donc il passait avec nous hier le monothéisme de la souveraineté, qui est le fait de reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui a la royauté de tout cet univers et le seul qui gère ce monde. Et il passait avec nous aussi le monothéisme de l'adoration. Le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et aujourd'hui avec le monothéisme des noms et des attributs d'Allah. فالقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. Et donc la troisième partie du monothéisme, c'est le monothéisme des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de réserver à Allah subhanahu wa ta'ala les noms qui lui sont dus et les attributs qui lui sont dus, et de lui reconnaître et de lui confirmer comme s'il est confirmé à lui-même. وهذا يتضمن شيئين، الأول الإثبات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. Et ceci englobe deux points essentiels, à savoir confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est confirmé lui-même, lui confirmer tous les noms, tous les attributs qu'il s'est donné lui-même, et lui confirmer comme ils sont confirmés dans le Coran et comme ils sont confirmés dans la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. L'amr al-thani, نفي المماثلة، وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Le deuxième point, c'est faire la négation de toute similitude. C'est-à-dire que dans les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait pas de similitude à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui donne pas de similaire dans ses noms et dans ses attributs. Il est, comme il est dit dans le verset, la règle est très simple, rien ne lui ressemble, et il est le Dieu et le clairvoyant, et le celui qui entend et celui qui voit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est confirmé la vue, il s'est confirmé lui, ben on lui confirme comme il s'y a sa grandeur. L'œil, la vue et lui de l'être humain correspondent à sa faiblesse et à son incapacité, et la vue et lui d'Allah subhanahu wa ta'ala correspondent à la majesté et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ رحمه الله فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثل فيها أحد من المخلوقين، فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال، فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل، أي عطل الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. فالشيخ دون يدير كالسوفيخ سيبخوف ك Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas de similitude dans ses créatures. Abadan. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont similaires dans les attributs de ses créatures. Même s'ils sont unis dans la signification du mot. L'yed, la main, ça veut dire la main. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmé la main. Est-ce que sa main maintenant est comme la main de ses créatures? Abadan. la signification de l'yed, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran avec des choses que nous comprenons. Il s'est adressé à nous avec la langue arabe, il s'est adressé aux arabes avec l'arabe qu'ils comprennent. Donc la main pour eux, c'est la main. Mais maintenant, est-ce que la main des créatures ou la main de l'être humain, c'est la main d'Allah? Abadan, a'oudou billah, ça n'a rien à voir. La main de l'être humain correspond à la faiblesse de l'être humain, et la main d'Allah subhanahu wa ta'ala correspond à sa grandeur et à sa majesté. Et on ne cherche même pas comment il est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. La réalité des attributs est complètement différente. Et donc celui qui ne confirme pas Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est confirmé lui-même, hada, c'est un négateur. Allah il n'a pas de main, Allah il n'a pas de visage. Donc hada, il adore le niant, il adore quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'il adore dans ce cas-là? Il n'a pas de main, il n'a pas de visage, il n'a pas lui, il n'a pas la vue. T'adores quoi, Anta? Hein? Donc obligé qu'on confirme à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est confirmé dans le Coran. Allah il se fait connaître par qu'il a un visage, qu'il a lui, qu'il a la vue, qu'il a les mains. Bon, on lui reconnaît tout ce qu'il s'est reconnaître. C'est donné comme attribut, Azza wa Jal, et ce que lui a confirmé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et si on le dépouille, on fait la négation, c'est-à-dire quoi? Hein? Oui, la négation des attributs d'Allah ressemble à la négation qu'a fait Pharaon. Je ne vous connais pas, notre divinité comme moi. Et Allah, rien. Hein? Et celui qui confirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui faisant des similitudes dans ses créatures, Hadel ressemble aux associateurs qui ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui ont adoré autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadak, c'est comme les adorateurs de statues. C'est comme les adorateurs du statut. Il confirme en donnant une similitude. Là, tu confirmes sans chercher de similitude dans les créatures. Abadan. Et celui qui confirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monothéiste par excellence. C'est le monothéiste par excellence. Man shabbaha faqad abada sanama. ومن بطل ومن عطل فقد عبد عدما. Celui qui fait la similitude, hein, c'est il a adoré une statue. Et celui qui dépouille les sens, hein, qui dépouille les attributs d'Allah, ben il a rien adoré. Il adore le niant, quelque chose qui n'existe pas. Donc, et le monothéiste lui, il confirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans les dépouiller de leur sens, sans en faire la négation et sans faire de similitude. Ça, c'est le monothéiste. وهذا القسم من التوحيد هو الذي ظلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة. فمنهم من سلك مسلك التعطيل فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله سبحانه وتعالى وقد ضل. Et cette forme du monothéisme, beaucoup de groupes dans la communauté se sont égarés à ce niveau-là, au niveau des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont divisés en plusieurs groupes. Il y a parmi eux qui ont pris le chemin des négateurs. Ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont prétendu que ça, c'est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de toute diminution, c'est de ne pas lui reconnaître d'attributs. Hein? Et ça, c'est l'égarement. C'est l'égarement. Ceux-là, ils se sont égarés. لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب. Et celui qui exempte Allah subhanahu wa ta'ala de défauts et de diminutions, c'est celui qui nie les attributs de faiblesse et les attributs incomplets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaît que les attributs, hein, parfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaît tous les attributs qui sont parfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais il rejette Il fit la négation des attributs comme le sommeil. Il n'est pas dû à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la fatigue n'est pas due à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit à l'être humain, c'est une diminution. Le sommeil, c'est une diminution aussi. Ah, donc il est dit, il fait partie des attributs du faible. Ah, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue pas. Ah, abadan. Donc, celui qui exempte, en réalité, celui qui exempte Allah subhanahu wa ta'ala des défauts, c'est celui qui lui reconnaît les attributs comme il s'est confirmé à lui-même et qui n'attribue pas Allah subhanahu wa ta'ala toute caractéristique dans laquelle il y a une diminution ou il y a un défaut ou une faiblesse. Voilà. كذلك ينزه كلام الله أن يكون تعمية وتضليلا فإذا قال أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله عز وجل بل وصمه بأعيب العيوب وصم كلامه بالتعمية والتضليل لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته سميع بصير عزيز حكيم غفور رحيم فإذا أثبته في كلامه عز وجل وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وجل إيه aussi il faut reconnaître que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala il ne peut pas y avoir de contradiction dedans ni d'égarement dedans car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a lui qu'il a la vue, qu'il a la science, qu'il est capable, qu'il a la capacité, qu'il a la puissance. Et celui qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas la vue, n'a pas la lui, n'a pas la science, n'a pas la capacité, ben celui-là, hein, il n'a pas fait l'exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala des défauts. Hein? Mais il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala en ayant le plus grand des défauts. Il a décrit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme de l'égarement. Hein? Car Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de répéter dans le Coran et dans sa parole et de confirmer les attributs. Sami'un basir, le clairvoyant et l'audion. Azizun hakim, le puissant qui fait les choses à la perfection. Ghafour al-Rahim, le pardonneur, le clément. Allah, il se confirme des attributs. Et donc, s'il se confirme tout ça dans sa parole et que ce ne sont pas ses attributs, ça veut dire qu'il y a de la contradiction, que c'est très mal, qu'il y a de l'égarement dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de ne pas reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il sait, reconnu à lui-même, ce qu'il s'est confirmé à lui-même dans le Coran, c'est dénigrer la parole d'Allah et d'écrire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi c'est une parole fausse, c'est une parole dans laquelle il y a des contradictions, c'est de l'égarement et ainsi de suite. La situation est très dangereuse. Donc nous devons confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est confirmé lui-même, lui reconnaître les attributs qu'il s'est donné lui-même. Ils sont nombreux dans le Coran. Et Allah ne cesse de les répéter dans le Coran. Sami', Basir, Ghafour, Rahim, Aziz, Qadir, Alim. ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه. Ça, la première partie là concerne les négateurs, ceux qui ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont pris le chemin de faire des similitudes à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses créatures et de ressembler, de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature, prétendant que ça amène à l'accomplissement des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné. Et ceux-là, ils se sont égarés d'un grand égarement aussi, car ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être estimé. ils ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala et ils lui ont attribué la diminution et le défaut, car ils ont fait de celui qui est parfait dans le sens du mot parfait au sens large du terme, qu'il est similaire à celui qui est diminué dans tous ses aspects. Hein? Ils ont ressemblé l'être humain ou la créature qui est diminuée en elle-même à celui qui est parfait, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se sont tombés dans un grand égarement. وَإِذَا كَانَ اقْتِرَاهًا تَفْضِيلُ الْكَامِلْ عَلَى النَّاقِصِ يَحُطُّ مِنْ قَدْرِهِ كَمَا قِيلْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرَهُ إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَى فَكَيْفَ بِتَمْتِيلِ الْكَامِلْ بِالنَّاقِصِ. هذا أعظم ما يكون جناية في حق الله سبحانه وتعالى. وإن كان المعطلون حقا أعظم جرما لكن الكل لم يقدر الله حق قدره. Et c'est maintenant quand on fait la similitude de quelqu'un qui est diminué à quelqu'un qui est complet, hein? C'est diminuer de la valeur de celui qui est complet. Et ceci, comme il a été dit, est-ce que n'as-tu pas vu que quand tu dis que l'épée, hein, est mieux que le bâton, que ça c'est pas une diminution de l'épée? Quand tu dis que l'épée il est mieux, ou il est plus aiguisé, hein, que le bâton, là en réalité tu fais pas l'éloge de l'épée, là tu diminues la valeur de l'épée, hein. Comment il en est dans ces cas là quand tu fais la similitude d'un complet au sens large du terme à un diminué, hein? Et ça c'est un grand crime vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le faire similaire à ses créatures et de lui chercher des similitudes dans ses créatures. Les négateurs dans leurs crimes sont dans une situation énorme, mais les deux, que ce soit les négateurs ou ceux qui cherchent des similitudes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les deux n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à, comme ici à sa grandeur azza wa jal. Tous ils sont dans un égarement total. فالواجب أن نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Il est de notre devoir de croire en les attributs avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même dans le Coran, et on les attribue, et de croire on les attributs que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait de son souverain, de notre souverain azza wa jal, sans leur donner une signification déformée, sans déformer leur signification, sans faire la négation, sans leur chercher le comment, sans leur chercher de similitude. Quatre points à avoir dans son esprit quand il s'agit des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala: pas déformer leur sens, ne pas faire leur négation, ne pas chercher leur comment, et ne pas chercher les similitudes à les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa créature. Tu agis ainsi, tu seras dans la quiétude totale. Hein? هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. Ainsi a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh et d'autres parmi les authentificateurs, parmi les hommes de science. فالتحريف في النصوص والتعقيد والتعطيل في المعتقد والتكييف في الصفة والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكييف فكل ممثل مكيف ولا عكس فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. Donc التحريف, la déformation des sens concerne les textes. La négation concerne les croyances. La négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala concerne ce que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, et notre foi, et notre croyance vis-à-vis de ces attributs. Hein? Tkif, chercher le comment de l'attribut, ça concerne tkif, on le fait. Comment il est la main d'Allah? Comment Allah il descend? Donc ça, ça a rapport avec l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tumti, lui, chercher des similitudes, ça concerne aussi l'attribut. Parce qu'il va chercher la similitude de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa créature. Dans l'attribut de sa créature. Mais il est plus particulier que le comment. Car tout un chacun qui tombe dans le fait de faire une similitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tombé dans le comment. Parce qu'il a fait la similitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est tombé aussi dans le comment de l'attribut d'Allah. Et le contraire, c'est pas le contraire non plus. Hein? C'est-à-dire que celui qui est dans Tkif n'est pas dans Tintil. Il cherche le comment. Mais il n'est pas tombé dans la similitude. Celui qui fait la similitude, il est tombé dans le comment. Et le contraire, non. Et donc, notre croyance doit être exemple de ces quatre points. Ni on fait la déformation des sens, ni on fait la négation des attributs d'Allah, ni on cherche le comment, ni on lui cherche des similitudes dans ses attributs. Notre croyance doit être épargnée de ces quatre points. ونعني بالتحريف هنا التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات لأنهم سموا أنفسهم على التأويل لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه لأن النفوس تنفر من كلمة التحريف لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس حتى لا ينفروا منه تحريف السيكي la déformation du sens ceux qui sont tombés dedans pour que leur pilule passe et que leur mal passe, ben ils se sont donné, lui ont donné le nom Ta'wil. Ta'wil en langue arabe, c'est donner une bonne signification comme donner une mauvaise signification. Et dans ces cas-là, quand on donne une mauvaise signification, on tombe dans Tahrif. Hein? Et les muharrifoun, ceux qui ont déformé les textes, on prit le terme ta'wil parce que c'est plus léger, ça, la pilule passe. Hein? Et ils se sont donné les gens à le ta'wil. C'est-à-dire les gens de l'interprétation. Mais en réalité, ce sont les gens de la déformation du sens. Pour que leur pilule et leur venin passent facilement. Parce que les gens, quand ils entendent ta'rif, ils s'éloignent. Tahrif, ça veut dire déformé. Donc celui qui entend les gens dire Tahrif, il se sauve. Et eux, ils ont pris le terme Ahl Ta'wil pour embellir les mots. Hein? Et pour que les gens ne se sauvent pas d'eux. وحقيقة تأويلهم التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره فنقول هذا الصرف دل عليه دليل صحيح فليس تأويلا بالمعنى الذي تريدنا لكنه تفسير. La réalité du ta'wil, de leur ta'wil à eux, c'est déformer les sens, c'est tahrif. Et c'est le fait de détourner l'expression de son sens apparent. Et cette façon de détourner le sens de, son, de sa signification apparente, s'il est prouvé, donc ce n'est pas ta'wil, ce n'est pas la déformation. Hein? Et donc, mais si c'est un autre sens, il y a un sens déformé, donc c'est tahrif. Donc on doit s'en éloigner. Hein? Parce que ta'wil, s'il est prouvé par les preuves, cette définition elle est prouvée par les preuves, donc il est bon. Mais si maintenant il est le contraire, donc on tombe dans tahrif, dans ce qui est rejeté. Et donc eux, quand ils parlent du ta'wil, ils veulent dire tahrif, leur déformation. Hein? Et ta'wil, il est accepté quand il va, quand il a ses preuves, quand cette définition qu'on nous donne, il va avec le sens et il n'est pas déformé. وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف وتغيير للكلام عن مواضعه فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف فقد ضلوا وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة. Ici maintenant leur interprétation et leur définition, il n'a pas de preuve dessus, c'est une déformation, c'est tahrif. Et c'est changer la signification des mots et utiliser les mots là où ils ne doivent pas être utilisés et leur donner le sens qu'ils n'ont pas. Et ceux-là se sont égarés par cette voie-là. Et ils ont pris le chemin du fait de confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs en les déformant. Ils se sont égarés. Ils ont pris un chemin qui est le contraire du chemin des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Par exemple, ils disent la main, c'est la force. La main, c'est la force. Ben non, la main, c'est pas la force. La force, il a un terme qui s'appelle quwa, qui s'appelle qudra. Hein? C'est pas la force. La main, ça veut dire la main. Hein? Huma, il confirme des attributs, mais en changeant les sens. Hein? Quand il parle de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier tiers, il dit c'est la descente de l'ordre d'Allah ou de la clémence d'Allah. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est réelle. Elle est réelle. Il descend comme il s'y a à sa grandeur, à chaque tiers de la nuit. Comme ça a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas de ses propres passions. Huma, il déforme. Il déforme. Wa alayhi la yumkinu an yusafu bi ahli sunnah wal jama'a. Lianna al-idafa taqtadi an-nisbah. فأهل السنة منتسبون للسنة لأنهم متمسكون بها وهؤلاء ليسوا متمسكين بها بالنسبة فيما ذهبوا إليه من التحريف. Et partant de là, ces gens-là qui se sont égarés dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les négateurs, ou ceux qui déforment les sens, ou ceux qui cherchent des similitudes à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. On ne peut pas les appeler les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Ils n'en font pas partie. Car pour être appartenir aux gens de la sunna, il faut que tu te cramponnes à la sunna. Pour qu'on dise de toi que tu es un homme de la sunna, il faut que tu fasses partie des gens qui se cramponnent à la sunna, qui mettent en application la sunna et qui a les croyances des gens de la sunna. Et ceux-là ne se cramponnent pas à la sunna, dans la voie de la déformation des sens vers laquelle ils sont allés, ben ils ne se comprennent pas à la sunna. Donc ils ne font pas partie des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. وإذا الجماعة في الأصل اجتماع وهم غير مجتمعين في آرائهم ففي كتبهم تداخل والتناقض والاضطراب حتى إن بعضهم يضلل بعضا ويتناقض هو بنفسه. يوسي الجماعة سبجيغ لغروب à l'origine, et l'union à l'origine, et eux, ils sont, leurs opinions ne sont pas unies. Dans leur livre, il y a des contradictions. La personne même, parmi leur personnalité, il a de la contradiction dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils croient. Et entre eux, ils ont dans leur égarement, et dans les déformations vers lesquelles ils sont allés, ils ont de la contradiction entre eux. Et certains parmi eux, ils sont en contradiction avec leurs idées eux-mêmes. Lui-même, il est en contradiction avec lui-même. وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي وهو من بلغ دروة علم الكلام كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطل وأنهم ليسوا على بينة من أمره. Et l'interprétateur, celui qui a fait l'interprétation de Tahawiya, hein, qui est un recueil de croyances des gens de la Sunna, il rapporte de l'Ghazali, l'ancien Abu Hamid, rahimahullah, qui est arrivé au sommet de la science de la parole. La science de la parole, ilm al-kalam, concerne le fait d'utiliser sa raison dans les domaines de l'invisible. Et lui, il est arrivé au sommet de ça. Et l'interprétateur d'Al-Tahawi ramène des paroles, hein, que l'être humain, quand il lit ces paroles du Ghazali, il sait la situation dans laquelle pataugeaient les gens de cette spécialité, la science de la parole. Il sait l'égarement dans lequel ils sont tombés. Et comme quoi, dans leur situation, ils ne sont pas clairs. قال الرازي وهو من رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وبوبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الأخير. Et Razi, qui était la tête de ceux qui s'occupaient de cette science, ilm al-kalam, et qui ont avancé, qui ont eu un degré très élevé dans cette science, il dit dans une poésie, la fin de nos raisons, c'est un bout de ficelle, rien. Et les efforts que nous avons faits, tout ce que nous avons fait, c'est de l'égarement. Et nos âmes sont étrangers dans nos corps. Nos âmes sont étrangères dans nos corps. Et le but de notre vie, ce n'est que malheur. Mal et malheur. Et nous avons gagné de nos recherches durant toute notre vie. Nous avons tout simplement réuni. Ils ont dit, nous avons dit. Ils ont dit, nous avons dit. Voilà ce que nous avons réuni. Hada, il est arrivé au sommet. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le couvre de sa sainte maison encore, dit qu'on revient. وقال ثم قال لقد تأملت طرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن يقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب يعني فأثبت وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي هذا من رؤسائهم يصل إلى هذا المغزالة بالآخر il a dit regarde le résultat où il est arrivé à la fin il est revenu à la voix du plus prédécesseur il a dit j'ai médité toutes les voies de la science de la parole et toutes les voies de la philosophie Et j'ai vu qu'il amène vers rien. Il ne suffit pas la soif. Et j'ai trouvé que le chemin le mieux et le plus sûr, c'est le chemin du Coran. Je lis dans le Coran la confirmation, c'est-à-dire la confirmation des attributs. Le clément s'est établi au-dessus de son trône. Vers lui monte la bonne parole. Et toujours où ? Dans les hauteurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, il veut dire, et je confirme l'élévation d'Allah. Et je confirme qu'en quoi il est le plus haut. Et je lis dans la négation, rien ne lui ressemble. Et je lis dans la négation, ils ne peuvent pas cerner sa science. Ils ne peuvent pas cerner sa science. Ça veut dire, je nie toute similitude avec les créatures. Et je nie le fait qu'ils vont cerner la science d'Allah. Ou qu'ils vont cerner Allah subhanahu wa ta'ala avec leur science. Et il dit, celui qui a eu mon expérience sera ce que je sais maintenant. Regarde maintenant, il est revenu vers quoi? Vers la voie du Coran. Confirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmé à lui-même. Et faire la négation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié lui-même. Il a dit que ça c'est la voie la plus sûre. Et c'est la voie de nos plus prédécesseurs, la voie sur laquelle était le messager alayhi salam, et la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons de Allah alayhi, mais ceux qui les suivent à la perfection. Fatajiduhum hayara mudtaribin. Laysu ala yaqin min amrihim. Watajidu man hadahu Allah as-sirat al-mustaqim mutma'innan munsharih as-sadr. هادي البال يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات فيثبت إذ لا أحد أعلم من الله بالله ولا أصدق خبرا من خبر الله خبرا من خبر الله ولا صح بيانا من بيان الله كما قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم أن تضلوا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا الشيخ ابن عثيمين بن دينودي رحمة الله عليه tu les vois ils sont perturbés dans leur situation ils savent pas où donner de la tête ils ont aucune certitude dans leur situation et il dit tu vois celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé sur la voie droite il est qui est il est apaisé pas de perturbation intérieure L'esprit est tranquille. il lit dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, il voit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé pour lui-même, comme nom et comme attribut, il le confirme. Parce qu'il n'y a personne qui connaît Allah, sinon Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui se connaît lui-même, Azza wa Jal. Donc il s'est fait connaître à ses créatures avec des attributs qu'il a, Azza wa Jal. Il n'y a pas plus véridique parole que la parole et les annonces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas plus grand éclaircissement et plus véridique éclaircissement que les éclaircissements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit dans le Coran, dans les traductions approximatives, Allah veut vous éclairer, vous donner les éclaircissements. Et dans l'autre verset, Allah vous éclaire pour que vous ne vous égariez pas. Et dans l'autre verset, nous t'avons